Chapitre 74. Avignon et le château des papes. La Provence et la Croix. Arrivée d'André et de Julien à Marseille. Un nouveau sujet d'anxiété. Le pauvre peut aider le pauvre, aussi bien et souvent mieux que le riche. Au bout de 3 heures, le train s'arrêta à la gare d'Avignon. Du chemin de fer, on voyait la ville, et André montra, en passant à Julien, un grand monument situé sur le penchant d'un rocher, et qui, avec ses vieux créneaux, ressemble à une forteresse. C'était l'ancien château où les papes résidaient lorsqu'ils habitaient le comtat Venessa, enclavé dans la Provence. Pendant ce temps, le train s'était remis en marche. On traversa sur un beau pont la Durance, ce torrent terrible par ses inondations, qui descend en courant des montagnes, et dont les eaux, amenées par un long aqueduc, alimentent la ville de Marseille. Bientôt la campagne de la Provence, qui avait été jusqu'à présent couverte de cultures et où on apercevait le feuillage gris des oliviers, devint stérile, sans herbe et sans arbres. Les enfants étaient entrés dans les plaines de la Croix, puis de la Camargue, desséchées par le souffle du mistral, couvertes de cailloux, et qui ressemblent à un désert de l'Afrique, transporté dans notre France. Là paissent en liberté de nombreux troupeaux de bœufs noirs et de chevaux demi-sauvages, semblables aux chevaux arabes. Puis on entra dans un grand tunnel, celui de la Nerthe, qui a plus d'une lieue de long. Peu de temps après, on arrivait dans la vaste gare de Marseille, et les deux enfants sortirent du wagon, au milieu du va-et-vient des voyageurs. Ils se sentaient tout étourdis du voyage et assourdis par les sifflets des locomotives, par le fracas des wagons sur le fer, par les cris des employés et des conducteurs de voitures. André s'informa avec soin du chemin à suivre pour se rendre à l'adresse de son oncle. Puis, courageusement, il reprit Julien entre ses bras. Et à travers la foule qui allait et venait dans la grande ville, il s'achemina tout ému. « Quoi, pensait-il, nous voilà donc enfin au terme de notre voyage. Mon Dieu, pourvu que nous trouvions notre oncle et qu'il se montre content de nous voir. » Le petit Julien n'était pas moins ému qu'André. Il faisait les mêmes réflexions sans oser le dire. En même temps, il admirait le courage de son aîné, dont le calme et la douceur ne se démentaient jamais. Enfin, on atteignit la rue tant désirée. Avec un grand battement de cœur, on frappa à la porte et on demanda Franz Wolden. Un marin d'une 40aine d'années vint ouvrir et répondit « Franz Wolden n'est plus ici. Voilà tantôt 5 mois qu'il est parti. « Mon Dieu !» s'écria André avec anxiété. Et il devint tout pâle, comme s'il allait tomber. Mais bientôt, surmontant son trouble, il reprit. « Où est-il allé? Savez-vous, monsieur ?»« Parbleu, jeune homme, » dit celui qui avait ouvert la porte. « Entrez vous reposer. Franz Wolden est mon ami. Nous causerons mieux de lui dans la maison que sur la porte. Le mistral n'est pas chaud ce soir. On voit que nous arrivons à la fin de novembre. » Et le brave homme, montrant le chemin aux enfants, marcha devant eux dans un corridor étroit et sombre. André suivait, portant Julien sur ses bras. Le petit garçon était bien désolé, mais il se rappela fort à point les résolutions de courage qu'il venait de prendre après avoir lu la vie du chevalier sans peur et sans reproche. Il voulut donc faire aussi bonne figure devant cette déception nouvelle que le grand Bayard eût pu faire en face des ennemis. On arriva dans une chambre où la femme du marin préparait le souper. 3 enfants en bas âge jouaient dans un coin. André s'assit près de la fenêtre et le marin en face de lui. « Voici ce qui en est, » reprit le marin. « Ce pauvre Wolden avait en Alsace-Lorraine un frère aîné, avec lequel il a eu des torts jadis, ce qui fait qu'il ne s'écrivait point. Depuis la dernière guerre, Franz songeait souvent au pays. Il se disait tous les jours, « Mon aîné doit être bien malheureux là-bas, car il a subi les misères de la guerre et des sièges. Mais moi, j'ai quelques économies, et je lui dirai, « Oublie mes torts, Michel, viens-t'en en France avec moi, nous achèterons un petit bout de terre, et nous ferons valoir cela à nous deux. » Mais auparavant, Franz avait des affaires à régler à Bordeaux, et il est parti par 7 pour s'y rendre, travaillant le long de son chemin à son métier de charpentier de marine, afin de se défrayer du voyage. « Hélas, » dit André tristement, « nous venons, nous, jusque d'Alsace-Lorraine pour le retrouver. Nous sommes les fils de ce frère qu'il voulait revoir et qui est mort, mais en mourant, notre père nous avait fait promettre d'aller rejoindre notre oncle, et nous sommes venus. Nous avions d'abord écrit 3 lettres, mais on ne nous a pas répondu. « Je le crois bien, » dit le marin, en ouvrant son armoire et en montrant les 3 lettres précieusement enveloppées. Elles sont arrivées après le départ de Franz. J'attendais à avoir son adresse pour les lui renvoyer, mais depuis 5 mois, il ne m'a pas donné signe de vie. André réfléchissait tristement. « Comment allons-nous faire ? » dit-il enfin. « Nous ne savons pas l'adresse de notre oncle à Bordeaux. Et d'ailleurs, nous ne pourrions aller jusque-là. Mon jeune frère ne peut plus marcher. Il est au bout de ses forces. D'autre part, nous n'avons plus assez d'argent pour prendre le chemin de fer jusqu'à Bordeaux. Allons, allons, ne vous désolez pas à l'avance, dit le marin. Les pauvres gens sont au monde pour s'entraider. Nous ne sommes pas riches non plus, nous autres, mais à cause de cela, on sait compatir au malheur d'autrui. Eh oui, dit la femme du marin, nous nous aiderons tous, et le bon Dieu fera le reste. Voyons, mettons-nous à table. Mon mari est un homme de bon conseil. En mangeant, il va débrouiller votre affaire, n'est-ce pas, Jérôme ? En même temps, l'excellente femme avait attiré la table dans le milieu de la chambre. Bon gré mal gré, elle plaça André à sa droite et Julien à sa gauche. Elle mit ses deux fils aînés, deux beaux jumeaux de 4 ans, de chaque côté de leur père. Puis elle plaça sur ses genoux sa petite fille, la dernière née. Et le sourire aux lèvres, elle servit à chacun une bonne assiette de cette soupe aux poissons qui est le mets favori de la Provence. Avignon et le château des papes. Avignon, 40 000 habitants, ancienne capitale du comtat venessin sur le Rhône, servit autrefois de résidence au pape. On y voit encore leur palais, majestueux monument du XIVe siècle. La Provence, le comtat venessin et le comté de Nice. Ces provinces ont été de tout temps célèbres pour leur climat délicieux, leurs fruits exquis, leur ciel bleu. Outre la ville d'Avignon, centre du commerce, de la Garance, outre les grands ports de Marseille, 320 000 habitants, de Toulon, 80 000 habitants, et de Nice, 55 000 habitants, on remarque les villes d'Aix et d'Arles, où se fabrique une huile très renommée. Draguignan, chef-lieu du Var, Digne, chef-lieu des Basses-Alpes. Hyères, Grasse, Cannes, Nice et Menton sont des villes célèbres pour la douceur de leur hiver. Aqueduc de Roquefavour, amenant à Marseille les eaux de la Durance. Depuis longtemps, la grande ville de Marseille manquait d'eau, ce qui la rendait malsaine. On a eu l'idée d'y amener les eaux de la Durance à l'aide d'un grand canal, long de 120 km et qui a coûté 40 millions de francs. Cette eau fraîche vivifie la ville et la banlieue. Le canal passe sur les arches d'un aqueduc près de Roquefavour. Chevaux sauvages de la Camargue. La Camargue est une grande île formée par le Rhône, qui se divise comme le Nil en plusieurs bras avant de se jeter dans la mer. Elle se compose de vastes plaines rarement défrichées, où pestent en liberté et presque à l'état sauvage de nombreux troupeaux de bœufs noirs et de chevaux. Ces derniers descendent, dit-on, des chevaux arabes amenés autrefois dans le pays par les invasions des Sarrasins. Tunnel de la Nerthe, près de Marseille. Un tunnel est un passage pratiqué sous terre ou à travers une montagne, dans lequel s'engagent les trains de chemin de fer. Le plus grand tunnel de France a été longtemps celui de la Nerthe, qui a près de 5 km de longueur. Un autre tunnel plus grand encore a été construit récemment pour mettre en communication la France et l'Italie. C'est celui du Mont-Cenis, dont la longueur dépasse 12 km.